De l'actualité, la mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, lundi 7 avril, bonjour à tous, voici vos informations. Les principaux indices boursiers nord-américains entament la semaine avec une baisse entre 2 et 3 % conséquence directe de l'annonce faite il y a 5 jours par Donald Trump concernant l'instauration de droits de douane élevés visant la majorité des partenaires commerciaux majeurs des États-Unis. Interrogé hier au sujet des réactions suscitées par ces nouvelles mesures tarifaires, M. Trump a comparé les impacts économiques à une sorte de traitement douloureux mais nécessaire à des fins de guérison. Par ailleurs, dans une publication diffusée sur le réseau social X, le célèbre investisseur activiste de Wall Street, Bill Ackman, a lancé un appel à Donald Trump afin qu'il réévalue sa position en proposant un sursis de 90 jours destiné à permettre la négociation d'accords commerciaux. Et la montée des tensions commerciales suscite de vives inquiétudes concernant plusieurs projets situés dans l'est de Montréal, notamment alors qu'un nouveau report du projet d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont provoque déjà de sérieuses préoccupations. Face à cette pression croissante, le gouvernement du Québec assure vouloir maintenir le rythme en ce jour d'un important sommet qui réunit élus et gestionnaires aujourd'hui. Interrogée à ce sujet, la ministre des Transports Geneviève Guilbeault, qui participe également au sommet, affirme que l'avenir des projets de transport actuellement à l'étude est garanti, en faisant notamment référence au tramway désigné sous le nom de projet structurant de l'Est, ainsi que de la nouvelle construction prévue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. De son côté, la ministre Christine Fréchette a également tenu à rassurer la population. Sachez que le projet demeure incontournable pour notre gouvernement. Et mon collègue, ministre de la Santé, Christian Dubé, fait tout en son possible. Je l'appuie en ce sens également pour que le projet avance plus rapidement. Sachez qu'on regarde toutes les possibilités pour accélérer. Procès Pierre Ny Saint-Amand à Laval, cet homme de 53 ans, chauffeur d'autobus, accusé d'avoir percuté il y a 2 ans une garderie de Laval avec un autobus municipal, causant la mort de 2 enfants et en blessant 6 autres. La Couronne et la Défense doivent soumettre une preuve commune attestant l'irresponsabilité criminelle de l'accusé. En février dernier, l'avocate de la poursuite, maître Karine Dalphon, a indiqué que la contre-expertise psychiatrique demandée par le ministère public avait abouti aux mêmes conclusions que la première évaluation réalisée à l'Institut Philippe Pinel, à savoir une absence de responsabilité criminelle. Campagne électorale jour 16, le chef du Parti libéral Mark Carney met aujourd'hui le cap vers l'ouest du pays pour la première fois depuis le début de la course. De son côté, Pierre Poilievre poursuit sa tournée dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique avant de se rendre à Edmonton, capitale de l'Alberta. Et Jack Mitzing passera la journée à alterner entre Toronto et Vancouver, tandis que Yves-François Blanchette concentre ses activités dans la région de Montréal. À l'international, le Kremlin a déclaré aujourd'hui que de nombreux points restaient à clarifier avant de pouvoir parvenir à un cessez-le-feu généralisé avec l'Ukraine, alors même que les discussions lancées sous l'impulsion de Washington peinent à produire des avancées concrètes. Parmi les obstacles évoqués figurent notamment l'incapacité du régime de Kiev à exercer un contrôle sur certains groupes extrémistes, ainsi que les intentions de militarisation accrue de l'Ukraine. Scène artistique Jay North, célèbre pour avoir incarné le personnage de Denis La Menace dans la populaire série télévisée des années 60, est décédé hier selon ce qu'a affirmé Fox News. Il avait 73 ans. L'acteur est mort à son domicile de Lake Butler en Floride après un long combat contre un cancer du côlon. Enfant vedette, il s'était fait connaître pour son interprétation de Dennis Mitchell, un garçon espiègle souvent occupé à jouer de mauvais tours à son voisin, George Wilson. Et au sport au hockey, le Lightning de Tampa Bay affronte ce soir les Rangers à New York. Les actualités, à la 45e minute de l'heure. Les arbres reprennent leur couleur. Les gens sourient et sortent à nouveau. Le printemps dans toute sa splendeur. Et ma radio, AM 940, Montréal. Je suis d'ailleurs toujours là à l'attendre. Est-il possible de t'en souffrir sans pouvoir en mourir, puis même en rire, ni même se défendre? Et chaque nuit j'attends. Je regarde le ciel. les yeux mouillés sous voile. Je plonge dans les nuages, je m'accroche aux étoiles. Et je me perds, je tournoie dans les airs. Et je contourne la lune, soudain je tombe sur terre. Jean Perron a gagné la Coupe Stanley comme entraîneur-chef du Canadien. Et il commente l'actualité sportive du lundi au vendredi, 7h15. Parce que vous vibrez pour les vrais succès, tous les jours, à tout moment. La musique qui a marqué à jamais. Les actualités sportives. D'abord au baseball, les Blue Jays de Toronto ont officialisé une entente à long terme avec leur joueur vedette Vladimir Guerrero Jr., s'assurant ainsi de ses services pour de nombreuses années. Toutefois, cette signature s'accompagne d'un coût élevé. Les deux parties ont convenu d'un contrat spectaculaire d'une durée de 14 ans, assorti d'une rémunération colossale de 500 millions de dollars. En ce début de saison 2025, Guerrero Jr. n'a pas encore réussi de coup de circuit. Il a néanmoins produit 4 points et affiche une moyenne au bâton de 256. L'année dernière, il avait frappé 30 circuits. Avec cette nouvelle entente, il rejoint le cercle très fermé des joueurs les mieux rémunérés des ligues majeures. Ce soir, les Blue Jays amorcent une série de 4 matchs sur la route contre les Red Sox de Boston. Le duel de lanceurs partant opposera Easton Lucas, une fiche d'une victoire, aucune défaite pour les Jays, à Richard Fitz, une fiche d'aucune victoire et une défaite pour les Sox. Ailleurs au baseball, nous surveillerons ce soir les Yankees de New York qui sont à Détroit contre les Tigers. Les Dodgers de Los Angeles sont à Washington contre les Nationals, alors que les Marlins de Miami visitent les Mets à New York. Au hockey, les Canadiens de Montréal contrôlent actuellement leur destinée en vue des séries éliminatoires, surtout après les victoires importantes acquises durant le week-end, d'abord contre les Flyers de Philadelphie samedi, puis face aux Prédateurs de Nashville hier. Le tricolore possède maintenant 85 points, ce qui lui permet d'occuper la dernière place donnant accès aux séries. Les hommes de Martin Saint-Louis devancent désormais les Rangers de New York par une marge de 6 points. Les Rangers apparaissent comme la principale menace pour le Canadien et seront donc l'équipe à surveiller de près au cours des prochains jours. La formation new-yorkaise a disputé 76 matchs jusqu'à présent, soit une rencontre de moins que le Canadien, et elle totalise 79 points au classement général. Ce soir, le Lightning de Tampa Bay sera de passage à Madison Square Garden pour y affronter les Rangers. Ailleurs, Ligue nationale, les Blues de Saint-Louis, en quête d'une 13e victoire consécutive, jouent contre les Jets à Winnipeg. Edmonton est à Anaheim, Seattle contre les Kings à Los Angeles et les Flames de Calgary à San Jose contre les Sharks. Au tennis, au tournoi de Monte Carlo, l'Américain Marcos Giron, classé 45e mondial, a remporté son match contre le Canadien Denis Shapovalov. Le score final a été de 6-3 et 7-6 avec une victoire au bris d'égalité dans le deuxième set. De son côté, le vétéran Gaël Monfils, actuellement 44e au classement ATP, a également réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Il rejoint ainsi un autre joueur d'expérience, son compatriote Richard Gasquet, classé 164e mondial. Pour accéder au huitième de finale, Monfils affrontera le Russe André Roublev, actuellement 9e au classement et exempté du premier tour. Quant à Gasquet, âgé de 38 ans et qui prendra sa retraite après le tournoi de Roland-Garros, il disputera son prochain match contre le vainqueur du duel entre l'Allemand Daniel Altermaier et le Canadien Félix Auger-Aliassime. Planche à neige, la Coupe du monde de snowboard cross au Mont-Sainte-Anne reviendra pour une durée de 3 ans supplémentaires. C'est ce qu'a affirmé Dustin Hayes, le président et chef de la direction de Canada Snowboard, dans une entrevue accordée hier, peu après que le Québécois Elliott Grondin décrochait un deuxième globe de cristal consécutif. Hayes a précisé que l'accord avec la Fédération internationale de ski a été signé et qu'il ne reste plus que quelques détails à finaliser avec les administrateurs du Mont-Sainte-Anne. Les actualités sportives, à la première minute de l'heure. Les plus grands succès musicaux et tout ce qu'il faut savoir de l'actualité, AM 940 Montréal. Charge fréquente à la bonne fréquence. Charge fréquente à la bonne fréquence. Je me charme par tes mots et ta musique. Me fais danser sur les grands classiques. Chaque fois que tu joues dans mes oreilles, mon âme s'émerveille. On se fréquente à la bonne fréquence. Chaque fois que tu joues dans mes oreilles, mon âme s'émerveille. On se fréquente à la bonne fréquence. 1979, le Québec inaugure la centrale LG2. Le Canadien remporte une quatrième Coupe Stanley consécutive. Et Pink Floyd enregistre The Wall. 1979, c'est aussi Michael Jackson. Stewart. Toute la musique d'une époque inoubliable. 20 minutes du centre-ville, j'habite une jolie maison. Dans une banlieue propre et tranquille, loin du bruit et de la pollution. Chaque matin, je me réveille dans la fidèle fatalité. De l'autoroute ou sans bouteille, les travailleurs bien cravatés. Je suis de la classe moyenne, ça veut dire que je suis endetté. Jusqu'au jour où la mort survienne, car pour la mort je suis assuré. Mais pour la vie, c'est la finance à qui je dois tout mon bungalow. Mon frigidaire et mes vacances, mes plants de tomates et mon auto. J'ai deux enfants qui sont mon or et que j'adore, évidemment. Comme leur maman qui fut la femme dont autrefois j'étais l'amant. Et maintenant, c'est l'habitude où l'on fait semblant d'être heureux. Et qui connaît la solitude sait qu'elle est plus terrible à deux. Parfois je rêve à mon enfance et dans le bar de mes 20 ans. Je trinque à ma dernière chance en pensant qu'il est encore temps. Mais le chanteur ne veut plus boire, il est 3 heures et tout s'éteint. La serveuse compte ses pourboires, le hasard des jours, le destin. À 20 minutes du centre-ville, j'habite une jolie maison. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. En ce lundi, dès leur ouverture, les marchés boursiers chutent. Québec promet de maintenir les projets malgré les tensions commerciales. Ouverture du procès du chauffeur impliqué dans la tragédie de Laval. Campagne électorale, les chefs de parti sont dans l'Ouest aujourd'hui. Le Kremlin freine les espoirs d'un cessez-le-feu global en Ukraine. Et au sport, au baseball, Vladimir Guerrero Jr. signe un contrat de 14 ans et de 500 millions de dollars avec les Blue Jays de Toronto. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes. Des amis qui se rassemblent pour travailler sur une vieille bagnole. Un voisin mécano qui vient nous prêter main forte. Et notre radio AM 940 Montréal. Au AM 940. Vous écoutez Vinyl Café. La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal vous invite à faire un don pour que ces experts dévoués puissent offrir ce qui se fait de mieux dans le domaine médical. La vocation universitaire de Sacré-Cœur est essentielle. On y trouve le plus important centre de traumatologie au Québec. On y retrouve aussi des gens qui soignent avec compassion. Ensemble, on peut investir dans l'achat d'équipements et la recherche pour des soins de pointe. Donnez à fondationhscm.org. Suivez nos bulletins de sport à la première minute de l'heure. Parce que vous vibrez pour les vrais succès, tous les jours, à tout moment. Chicago, les jours, à tout moment. Depuis plus de 25 ans, les conseillers passionnés de Voyage Brosseau-Rosemère vous ouvrent les portes de l'aventure. Experts en voyage, ils créent des expériences en prenant soin de chaque détail pour créer des souvenirs inoubliables. Avec une assistance 7 jours sur 7 et au cœur de Rosemère, Voyage Brosseau-Rosemère vous invite à vivre l'aventure avec elle. Venez découvrir pourquoi elle est bien plus qu'une agence, mais votre véritable point de départ pour explorer le monde avec expertise et passion. Voyage au pluriel brosseau.com. B-R-O-S-S-O, Voyage Brosseau. B-R-O-S-S-O, Voyage Brosseau. La météo. Pour le Grand Montréal, on a un dégagement avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de 7 degrés. Ce soir et cette nuit, ennuagement avec de la neige mêlée de pluie débutant après minuit, des vents du nord-ouest à 30 km/h, des rafales à 50 au cours de la nuit, un minimum de moins 1. Demain mardi, de la neige, accumulation de 2 cm, des vents encore une fois avec des rafales à 50 km/h, un maximum de plus 1. Et pour mercredi, le retour du soleil, un maximum de plus 2. Pour Québec et le bas du fleuve, ça reste généralement ensoleillé avec des vents, encore une fois, à 15 km/h, un maximum de 7 degrés. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, devenant nuageux en soirée avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h, un minimum de moins 1. Demain mardi, de la neige, accumulation 5 cm par endroit, vent du nord-est de 30 km/h, des rafales à 60, un maximum de plus 1. Et pour mercredi, du soleil, un maximum de plus 1 également. Ailleurs au Canada, St. John's, de la neige 5 degrés, Toronto, de la pluie 8, Winnipeg, un ciel dégagé 0 degrés et Vancouver, de la pluie 12 degrés. Chez nos voisins du sud, Boston et New York, de la pluie 3 degrés, Chicago, un ciel variable 4 et Los Angeles, un ciel dégagé 24 degrés. La météo, une présentation de la chronique Voyage Brosseau, les vendredis 8h35 dans le cadre de Radio Réveil. Au microphone, Carl Collin. On est très heureux de vous savoir avec nous. Les succès légendaires et l'actualité au présent. AM 940 Montréal. On y relaxe, on écoute de grands classiques en griffonnant dans un calepin de notes. Le 940 vous donne accès au Vinyl Café. Vinyl Café.

Je parie que t'as bien ri de moi. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me payer. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer des bois. En constatant que mon appétit est loin d'être petit, petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou, quitte avant que je te le donne. Ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard. Avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes efforts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard. Avec un grand C, fallait pas commencer. Monsieur Muscle est fier de ses attributs. Avant que dès l'antique qu'il fut, les guerres de certaines tribus soignaient ce genre de vanité. Tu peux prendre tes jambes à ton cou, vite avant que je te le tombe. Ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard. Avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard. Avec un grand C, fallait pas. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. La vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que vous vibrez pour les vrais succès. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I'm had enough. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. I wanna dedicate this. Everybody made it. Do that to me one more time. Once is never enough. With a tous les jours, à tout moment. Les actualités sportives. D'abord au baseball, les Blue Jays de Toronto ont officialisé une entente à long terme avec leur joueur vedette Vladimir Guerrero Jr., s'assurant ainsi de ses services pour de nombreuses années. Toutefois, cette signature s'accompagne d'un coût élevé. Les deux parties ont convenu d'un contrat spectaculaire d'une durée de 14 ans, assorti d'une rémunération colossale de 500 millions de dollars. En ce début de saison 2025, Guerrero Jr. n'a pas encore réussi de coup de circuit. Il a néanmoins produit 4 points et affiche une moyenne au bâton de 256. L'année dernière, il avait frappé 30 circuits. Avec cette nouvelle entente, il rejoint le cercle très fermé des joueurs les mieux rémunérés des ligues majeures. Ce soir, les Blue Jays amorcent une série de 4 matchs sur la route contre les Red Sox de Boston. Le duel de lanceurs partant opposera Easton Lucas, une fiche d'une victoire, aucune défaite pour les Jays, à Richard Fitt, une fiche d'aucune victoire et une défaite pour les Sox. Ailleurs au baseball, nous surveillerons ce soir les Yankees de New York qui sont à Détroit contre les Tigers.